Yeah, what a brand young every world. Entendre Giorgio ou pas quand je chante? Thank you. normalement tu devrais m'entendre en stéréo. Stéréo, c'est ça? Là, tout de suite, maintenant. Yeah, yeah, allez. Yeah, wow, yeah. Voix à gauche, en stéréo ou en mono? En stéréo ou en mono? En mono, en stéréo. Ah super, je vais essayer de rajouter un channel. Ah voilà, super. Est-ce que tu m'entends toujours en stéréo? Et la guitare, est-ce que tu l'entends en mono ou en stéréo? Ouais, je suis super cool, ouais gros. Putain, j'ai eu du mal à le configurer. À le configurer, oh yeah, allez, oh, oh, oh. Yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. salaud. Tu pilles le cœur des femmes. Tu pilles le cœur des femmes. Yo yo yo yo. Thank you. Salut à toi frérot, salut à toi frérot, yo yo yo. Allez vas-y ramène tous les bébés de la terre entière. Bra bra. Répète le micro malgré allez go. Thank you very much. Merci. Ça va, Giorgio, c'était pas trop dégueulasse?